Nouvelle dixième, la trompeuse trompée. Il était autrefois d'usage, dans les villes maritimes, comme il est encore aujourd'hui, de porter dans un grand magasin, connu en plusieurs pays sous le nom de douane, toutes les marchandises nouvellement débarquées et d'en remettre aux commis chargés de les recevoir, un état où leur prix était marqué. Les commis, après les avoir enregistrés sur leurs livres et s'être fait payer les droits, donnaient ensuite aux marchands un petit magasin séparé pour les serrer. Les courtiers s'informaient de la qualité et du prix des marchandises de chaque magasin et du nom du marchand pour en procurer le débit moyennant un certain bénéfice. C'est ce qui se pratiquait et se pratique encore à Palerme, port de mer des plus fréquentés de la Sicile. Les femmes de cette ville sont très galantes, très intéressées, très corrompues. Avec cela, elles ont tant de manèges que quiconque ne les connaîtrait pas les prendrait pour les femmes du monde les plus honnêtes. La plupart sont belles et bien faites. Elles s'attachent surtout aux étrangers parce qu'elles les plument plus aisément que les nationaux. Elles ne voient pas plutôt un nouveau débarqué qu'elles s'informent de son nom et de sa fortune pour être au mieux au fait de ses richesses, et elles prient les commis de la douane de leur laisser consulter leur registre, où elles trouvent la liste et le prix des marchandises qui lui appartiennent, et font ensuite de leur mieux pour attirer notre homme dans leur filet. Vous ne sauriez croire le nombre de négociants qu'elles ruinent. Bienheureux ceux qui en sont quittes pour leurs marchandises, et qui n'y laissent pas la peau et les os. Après ces détails qui m'ont paru nécessaires, vous saurez qu'il n'y a pas longtemps qu'un jeune Florentin nommé Salabet, mais plus connu sous le surnom de Nicolas de Chignin, fut envoyé par ses maîtres dans cette ville avec un reste d'étoffe de laine qu'il n'avait pu vendre à la foire de Salerne et qui pouvait valoir 500 écus. Après en avoir donné l'état aux commis de la douane et les avoir serrés dans un magasin, il chercha à s'amuser par-ci par-là dans la ville sans montrer beaucoup d'empressement de s'en défaire. Ce jeune homme était fort bien fait de sa personne. Une de ces femmes avides étrangers qui en avait entendu parler et qui fut bientôt au fait de l'état de ses affaires, jeta les yeux sur lui, persuadée qu'elle n'aurait pas de peine à le plumer. C'était une fine commère, connue sous le nom de Madame Blanchefleur. Elle ne tarda pas à s'en faire remarquer, et joua si bien son rôle que le Florentin la prit pour une dame de conséquence. Comme il avait assez bonne opinion de lui-même, il ne douta point que son air ne l'eût charmé, et résolut de mener cette intrigue à son dénouement. Il chercha donc tous les moyens de se lier avec elle, et passant et repassant sans cesse devant sa porte, il eut le plaisir de s'apercevoir qu'il ne déplaisait pas. Après avoir eu l'art de le bien enflammer, et lui avoir fait entendre qu'elle éprouvait pour lui une égale tendresse, la belle lui dépêcha secrètement une de ses femmes, fort habile dans l'art de négocier une affaire de galanterie. L'ambassadrice prit le ton qu'il fallait pour réussir dans sa mission, et lui dit, presque la larme à l'œil, que sa bonne mine avait tellement fait impression sur sa maîtresse qu'elle n'avait pas un instant de repos et qu'elle consentirait volontiers à le voir en cachette, s'il voulait se trouver à une étuve qu'elle lui désignerait. Ensuite, elle tira de sa bourse un anneau qu'elle lui remit de sa part comme un gage de son amour. Salabet était au comble de la joie. Il prend l'anneau, l'examine de près, le baise avec transport et l'ayant mis à son doigt, il répond à la bonne commissionnaire que Madame Blanchefleur ne fait que lui rendre justice en le payant de retour, qu'il pense à elle nuit et jour, qu'il l'aime au-delà de toute expression, et qu'il n'y a pas de lieu où il ne soit prêt à aller pour se procurer le plaisir de la voir. Elle n'a qu'à me faire savoir le jour et le moment, et je m'y rendrai. La dame, instruite de ses dispositions, lui renvoie sur l'heure sa confidente pour lui dire à quelles étuves il devait aller la trouver le lendemain après vêpres. L'heure du rendez-vous venue, Salabet, qui ne s'était vanté à personne de son aventure, se rend chez le baigneur et apprend avec plaisir que l'étuve était retenue pour Madame Blanchefleur. À peine y avait-il passé quelques minutes qu'il vit arriver deux servantes chargées, l'une d'un beau et grand matelas de futaine, l'autre d'un panier plein de provisions. On étendit les matelas sur un lit, avec des draps de fin lin bordés d'or et de soie, qu'on couvrit d'une courte pointe d'un boucassin de chypre très blanc, et de deux oreillers brodés magnifiquement. Après cela, les deux servantes entrèrent dans la chambre du bain et le lavèrent avec soin. Madame Blanchefleur ne se fit pas attendre longtemps. Elle arriva accompagnée de deux autres servantes et fit mille caresses à Salabet dès qu'elle fut seule avec lui. Après bien des soupirs poussés de part et d'autre et bien des baisers donnés et rendus, « Il n'y a que vous seule, dit la dame, qui ayez pu me faire venir ici. Il n'y a pas eu moyen de me défendre de vos charmes. Trop aimable Toscan, vous avez embrasé mon cœur. » Après plusieurs galanteries de même force, Ils se déshabillèrent et entrèrent tout nus dans le bain, aidés de deux servantes. La dame, sans permettre que personne portât la main sur son corps, se lava elle-même avec un savon composé de différentes odeurs où celle du musc dominait. Après quoi, elle se fit essuyer par les servantes avec des draps très fins et parfumés. Le Florentin fut servi avec le même soin. Ils furent portés l'un et l'autre sur les épaules des servantes, bien enveloppés dans le lit qui avait été préparé. Un instant après, on tira les draps mouillés et on laissa le couple amoureux sur les autres draps qu'on avait arrosés d'eau de rose, d'eau de fleurs d'oranger, de jasmin et d'eau de nafte, toutes prises dans de petits flacons d'argent très beaux. Ils furent enfin régalés de confitures et de vins exquis, si bien que Salabet se croyait en paradis. Mais rien ne le charmait tant que la beauté de Madame Blanchefleur. Il aurait souhaité de tout son cœur qu'on se fût dispensé le temps de cérémonie pour se trouver seul avec la dame. Aussi lui tardait-il infiniment que les servantes se retirassent. Il s'ouvrit à ce sujet à la belle, qui leur ordonna aussitôt de passer dans une autre pièce et de laisser seulement dans la chambre une bougie allumée. Les amants ne se virent pas plutôt seuls qu'ils commencèrent à s'embrasser et à goûter les plaisirs de l'amour. Le Florentin ne se lassait point de répéter les jouissances, d'autant plus délicieuses qu'il se croyait le plus aimé des hommes. Quand la dame comprit qu'il était temps de se lever, elle sonna les femmes pour l'habiller et leur ordonna de servir encore du vin et des confitures pour réconforter le galant qui en avait besoin. Avant de se séparer, « Mon cher ami, lui dit-elle, tu serais bien aimable et me ferais grand plaisir si tu voulais venir souper et coucher ce soir chez moi. » Salabet, qui en était véritablement épris et qui croyait ne devoir qu'à l'amour les plaisirs qu'il avait goûtés avec elle, lui répondit que son désir le plus ardent était de faire quelque chose qui lui fût agréable et qu'il était disposé de coucher non seulement ce soir-là avec elle, mais tous les jours de sa vie si elle le trouvait bon. Après cette réponse, ils se séparèrent. La dame ne manqua pas de faire parer sa chambre et de donner des ordres pour préparer un magnifique souper. Le Florentin fut reçu le mieux du monde, on lui fit faire bonne chère, et le repas fut égayé par mille jolis propos. De la table, il passa dans la chambre à coucher. L'odeur des parfums les plus doux qu'il respira en entrant, la richesse des meubles, l'air de décence et les manières polies de la maîtresse du logis, tout lui persuada qu'il avait affaire à une personne du premier rang et fort riche. Quoiqu'il eût entendu dire des choses désavantageuses sur son compte, il regardait tout cela comme un effet de la calomnie et de la jalousie, et supposait même qu'elle eût joué quelqu'un, il ne pouvait se figurer qu'elle fût capable de le tromper. Il coucha ce soir avec elle et eut tous les sujets du monde de s'en féliciter. Il se croyait aussi aimé qu'il était amoureux, et la belle n'épargna rien pour le nourrir dans cette idée. Le lendemain, elle fit présent d'une belle ceinture d'argent avec une bourse, en lui disant « Mon cher ami, tu peux disposer de tout ce que je possède comme s'il t'appartenait. Depuis que je t'ai donné mon cœur, je suis plus à toi qu'à moi-même, et tu peux par conséquent te regarder ici comme le maître et y commander comme chez toi. » Salabet répondit à cela par de nouvelles caresses et par les assurances d'un attachement inviolable. Il ne s'en séparait que pour aller à la place où les marchands ont coutume de se rendre et profitait de tous ces moments de liberté pour aller prendre du plaisir chez elle, sans qu'il lui en coûtât rien. Peu de temps après, il profita d'une occasion qu'il eut de vendre ses draps avec beaucoup de profit. La belle, n'ayant été instruite incontinent par ses espions, jeta un dévolu sur la somme qu'il en avait retirée et prépara ses batteries pour la lui enlever. Salabet vint quelques jours après souper avec elle. Il n'y eut point de caresse qu'elle ne lui fit. Elle se montra si passionnée que le Florentin crut qu'elle allait expirer entre ses bras. Il suffisait qu'il louât quelque chose pour qu'elle le pressât de le recevoir. Elle voulut lui faire accepter de très belles tasses d'argent, mais comme il avait déjà reçu pour plus de 30 écus de présent, sans avoir jamais fait pour elle un sou de dépense, il crut devoir refuser celle-là, quelque instance qu'elle fît. Elle ne s'inquiéta point de ce refus, parce qu'elle était bien assurée de la sincérité de son attachement, d'après toutes les mesures qu'elle avait prises pour lui persuader qu'elle l'aimait avec autant de désintéressement que de passion. Pendant qu'ils étaient occupés à s'entretenir de leur tendresse mutuelle, une des servantes de la dame vint lui dire qu'elle avait quelque chose à lui communiquer en particulier. Elle sort et rentre un quart d'heure après, fondant en larmes. Elle se jette sur son lit et se lamente sans rien dire à son amant. Celui-ci, surpris d'un changement aussi subit, vole vers elle, la prend entre ses bras et se met à pleurer de compagnie. « Qu'as-tu donc, ma chère amie? D'où vient que tu pleures ainsi ? quelle est la cause de ton chagrin? Ne me le cache point, ma douce amie. » Elle ne lui répond qu'en redoublant ses pleurs. Il lui parle encore, et après qu'il lui priait bien fort, « Hélas, mon doux ami, s'écria-t-elle, je ne sais ce que je dois dire, ni ce que je dois faire. J'ai le plus grand chagrin du monde. Je viens de recevoir des lettres de Messine, parmi lesquelles il y en a une d'un de mes frères, qui me prie de lui envoyer 1000 écus dans 8 jours, dussé-je engager ou vendre tout ce que j'ai au monde, parce que sans cela, il aura la tête tranchée sur un échafaud. Je suis au désespoir. Le moyen de trouver cette somme en si peu de temps? S'il m'eût au moins donné 15 jours pour me retourner, je pourrais la lui procurer. Je vendrais une de mes terres, mais un terme si court m'en ôte les moyens. Je sens que je ne pourrais survivre à la douleur d'apprendre la mort de mon frère. » Et là-dessus, larmes et doléances de recommencer. Salabé, qui aurait été plus clairvoyant s'il eût été moins amoureux, croyant ses larmes sincères et que ce qu'il disait était la vérité même, se mit à la consoler. « Il ne me serait pas possible, madame, de vous prêter les 1000 écus parce que je ne les ai pas en mon pouvoir. Je n'en possède que 500, et je vous les offre de bon cœur, si vous pouvez me les rendre d'ici à 15 jours. Par bonheur, je vendis hier mes draps, sans quoi je n'aurais pu vous offrir un sou. » « Quoi, mon cher ami? Tu t'es donc laissé manquer d'argent, puisque tu n'en as que depuis hier? Que m'en demandais-tu? Car quoique je n'ai pas les 1000 écus, j'en avais toujours 100 et même 200 à ton service. Un manque de confiance de cette nature ne me permet pas d'accepter l'offre que tu me fais. » Salabé, plus touché de ses paroles que de tout ce qui lui avait été dit et fait auparavant. « Il faut, ma bonne amie, que ce ne soit pas là ce qui t'empêche de prendre mes 500 écus, car, sois assuré que si j'avais eu besoin d'argent, je n'aurais pas fait la moindre difficulté de t'en demander, d'après la connaissance intime que j'ai de ton affection pour moi. Je reconnais à ce trait, mon cher Salabé, que tu m'aimes véritablement, et que je ne me suis pas trompé en te choisissant pour mon bon ami. C'est ce qui s'appelle être généreux et délicat, que de prévenir ainsi ma demande, et de m'offrir une aussi grosse somme d'argent. Tu m'étais déjà bien cher, mais tu me le deviens encore davantage par un tel procédé. Rien n'est plus noble. Vous voulez que je vous sois redevable de la tête de mon frère. C'est un service que je n'oublierai jamais. C'est avec regret, pourtant, que j'accepte vos 500 écus, parce que je sais que les marchands sont dans le cas de faire valoir leur argent et de manquer de bonnes affaires faute de fonds. Mais ce qui me hardit, c'est l'espérance de te rendre sous peu de jours cette somme, et plutôt que d'y manquer, j'engagerai toutes les maisons qui m'appartiennent. » En disant ces mots, elle se laissa tomber en pleurant sur le visage du Florentin, qui, pour ne pas l'abandonner à son chagrin, passa la nuit avec elle. Il n'eut rien de plus pressé, le lendemain, que d'aller chercher les 500 écus, sans attendre qu'elle l'en fît souvenir. Il les lui remit de bonne grâce, et sans exiger d'autre assurance que la parole qu'elle lui avait donnée de les lui rembourser sous quinzaine. La dame les reçut en riant du cœur et pleurant des yeux. Elle ne manqua pas, comme on le peut croire, de renouveler au marchand, avant de le quitter, les assurances de son amour et de sa juste reconnaissance. Ce fut tout autre chose les jours suivants. Parvenue à son but, elle changea de marche. Salabé, qui précédemment pouvait la voir à toute heure du jour et de la nuit, trouvait souvent sa porte fermée. C'était beaucoup quand, de cette visite qu'il lui faisait, il n'avait une d'heureuse, sans compter que ce n'était plus le même accueil ni la même chair qu'auparavant. Un mois s'était écoulé au-delà du terme pris pour le payer, que Madame Blanchefleur ne lui parlait pas de s'acquitter. Salabé prit sur sa timidité de lui demander son argent. On ne lui répondit que par de mauvaises défaites. Ce fut alors seulement qu'il comprit qu'il avait été trompé et joué. Il ne se possédait pas de rage d'avoir été dupe à ce point. Mais qui n'eût été comme lui? Comment se figurer qu'une femme qui s'était conduite avec tant d'art et de finesse n'était qu'une comédienne? Ce qui le fâchait surtout, c'était de n'avoir pas exigé une reconnaissance des 500 écus. Comment les ravoir? Se plaindre? Il n'avait ni preuve ni témoin. Il vit bien que Madame Blanchefleur était femme à tout nier. Il n'osa même s'ouvrir à personne sur son aventure, dans la crainte qu'on ne se moquât de lui, ayant surtout été averti par plusieurs personnes de se défier de la dame. Ce qu'il y eut de plus fâcheux pour lui fut qu'il reçut ordre de ses maîtres de leur envoyer les 500 écus par la voie de la banque, car le jour même qu'il avait vendu sa marchandise, il n'avait pas manqué de leur en donner avis. Pour cacher la sottise qu'il avait faite, et s'épargner les justes reproches qu'il méritait, au lieu d'aller à Pise, comme on lui avait ordonné, il passa à Naples, où était alors le nommé Pierre Canigiano, trésorier de l'impératrice de Constantinople, homme d'esprit et d'une grande pénétration, et intime ami de Salavet. Celui-ci alla le trouver dans son malheur, lui conta quelques jours après son aventure, lui demanda conseil et le pria de lui donner les moyens de gagner sa vie, étant dans la ferme résolution de ne plus reparaître à Florence. Après lui avoir fait les reproches qu'il méritait et lui avoir fait sentir tout ce qui pouvait résulter contre lui de son imprudence, il lui conseilla de retourner à Palerme. Il lui dit la conduite qu'il devait y tenir et lui prêta de l'argent pour lui faciliter les moyens de réussir dans le projet qu'il lui suggéra. Salavet goûta ses avis et se mit en devoir de les suivre. Il fit faire plusieurs ballots bien arrangés et bien marqués, ayant acheté une vingtaine de barriques où il y avait eu de l'huile, il les remplit d'eau, embarqua le tout sur un vaisseau et s'en retourna à Palerme muni des instructions de son ami. Il donna en arrivant la liste et le prix des marchandises au commis de la douane, les fit enregistrer en son nom, les mit en magasin et déclara qu'il était dans l'intention de ne les vendre qu'après avoir reçu une grande quantité d'autres qui l'attendaient. Blanchefleur ne tarda pas d'en être instruite, et apprenant que ce qu'il avait apporté valait environ 2000 écus, sans compter ce qu'il attendait encore, crut qu'elle ne ferait pas mal de lui rendre ses 500 écus dans l'espérance de lui arracher une plus forte somme. Dans ce dessein, elle l'envoya chercher, et Salavet, devenu plus prudent, et qui s'était attendu à cela, ne fit aucune difficulté d'aller la trouver, et se féliciter lui-même de ne s'être point brouillé avec elle. Il fut mieux accueilli que les dernières fois, et on feignit d'ignorer qu'il reçut de nouvelles marchandises. La belle lui fit d'abord de grandes excuses de ce qu'elle ne lui avait pas rendu son argent dans le temps, ajoutant qu'elle ne doutait point que ce manque de parole ne lui mise de mauvaise humeur. « J'avoue, madame, lui répondit-il en riant, que j'ai l'air des affaires qui me chagrinèrent un peu, mais le temps et mes amis m'ont fourni d'autres ressources. Je suis de telle humeur contre vous, madame, et je vous en veux si fort que j'ai vendu la plus grande partie de mon bien pour m'établir dans cette ville. J'ai déjà pour plus de 2000 écus de marchandises, et j'en attends du ponant pour plus de 3000 encore. Je vous suis trop attaché. L'amour que vous avez su m'inspirer est trop profondément gravé dans mon cœur pour que je puisse vivre éloigné de vous. Votre société est devenue nécessaire à mon bonheur. Il semble que vous m'ayez ensorcelé, tant je m'occupe de vous le jour et la nuit. Vous me faites grand plaisir, mon cher ami, de m'apprendre que vous êtes dans l'intention de vous fixer dans notre ville. Soyez assuré que mon amour ne s'est pas plus refroidi que le vôtre, et si j'ai paru moins passionné dans ces derniers temps, vous ne devez vous en prendre qu'au chagrin domestique qui m'était survenu. Quand on est dans l'affliction, il est bien difficile de faire bon visage à ses amis. À présent que mes chagrins sont finis, soyez assuré que je serai plus honnête et plus aimable que je ne l'étais par le passé, sans néanmoins être plus amoureuse. Car je vous le répète, vous n'avez point cessé de m'être cher. Au reste, une de mes plus grandes afflictions fut de n'avoir pu vous rendre au terme convenu l'argent que vous m'aviez prêté d'une manière si généreuse. Vous fûtes à peine parti qu'il me rentra des fonds. Je vous les ai renvoyés si j'avais eu votre adresse, mais puisque vous voilà de retour, vous les prendrez vous-même. » Cela dit, elle fit apporter un sac où étaient les mêmes 500 écus qu'elle avait reçus et les lui mit dans les mains, en le priant de voir si le compte y était. Dieu sait si Salavet dut être content. Il prit le sac, compta les écus et en trouva 500 ni plus ni moins. Il dit ensuite à la dame qu'il était très persuadé de la vérité de ce qu'elle venait de lui dire et en même temps, si satisfait d'elle, que tout ce qu'il avait serait toujours à son service. « Vous pourrez vous en convaincre dans le besoin, ma belle dame, » ajouta-t-il, « surtout quand j'aurai mon ménage en ville. » Ils se quittèrent tous deux fort contents l'un de l'autre, du moins en jugé par les apparences. Le Florentin continua de la voir, et elle de lui faire toutes les politesses qui étaient en son pouvoir. Ils avaient leur vue, l'un et l'autre, mais le galant était bien loin de se laisser duper une seconde fois. Il ne songeait au contraire qu'à se venger de la tromperie qu'il avait essuyée et de celle qu'on lui préparait, car il lui fut facile de s'apercevoir que Madame Blanchefleur ne lui avait rendu les 500 écus que dans le dessein de lui en escroquer 1000 et davantage, si la chose était possible. Un jour qu'elle l'avait prié à souper, à coucher, il feignit, en arrivant, une tristesse qu'il n'éprouvait pas. On aurait dit qu'il allait mourir, tant le chagrin qui l'affectait paraissait l'avoir changé. La belle, qui ne put s'empêcher de remarquer sa mélancolie, lui en demanda la cause. Il se fit longtemps presser pour s'expliquer. Il lui répondit enfin qu'il était ruiné, que le vaisseau sur lequel on avait chargé les marchandises avait été arrêté par les corsaires de Monègue, qui demandaient 10 000 écus pour le rendre, et qu'il fallait qu'il en donnât 1000 pour sa part, s'il voulait récupérer ce qui lui appartenait. « Je n'ai pas un seul écu en ce moment, mon pouvoir, ajouta-t-il, car les 500 que vous m'avez rendus, je les ai envoyés à Naples pour faire acheter des toiles qu'on m'enverra ici. Je pourrais bien me défaire des marchandises que j'ai au magasin de la douane, mais dans ces temps-ci, j'y perdrais presque la moitié. Malheureusement pour moi, je suis trop peu connu à Palerme pour pouvoir emprunter une somme si considérable. Voilà, ma belle amie, le sujet de mon chagrin. Si je ne trouve pas promptement de l'argent, mes marchandises sont emportées à Monègue, et après cela, il n'y a plus de ressources. » Madame Blanchefleur, qui croyait que c'était autant de perdu pour elle, fut véritablement affligée de cet accident et pensa aux moyens qu'il y avait à prendre pour empêcher que les marchandises ne fussent portées à Monègue. « Tu ne saurais croire, mon bon ami, combien je partage ta peine. Dieu m'est témoin que si j'avais mis l'écu en mon pouvoir, je te les prêterais sur l'heure et sans balancer. Mais je ne suis pas en argent. Lorsque me prêtâtes les 500 écus, j'en empruntais 500 autres pour parfaire les 1000 dont j'avais besoin et m'adresser à un homme qui prend 30% d'intérêt. Si vous voulez emprunter sur ce pied-là, il vous prêtera, j'en suis sûr, tout ce que vous voudrez. Mais je vous en avertis, il faudra lui donner de bons gages. Tout ce que je puis faire pour vous obliger est de m'engager moi-même pour vous, si l'on veut mon cautionnement. Mais si on le refuse, quelle sûreté trouverez-vous? Quel gage pourrez-vous donner? Salabelle sentit d'abord le motif de ses offres et comprit parfaitement que ce serait elle-même qui prêterait l'argent, ce qui lui fit grand plaisir. Quelque exorbitant que soit l'intérêt qu'on exige, lui répondit-il, vous m'obligerez grandement de me faire prêter les 1000 écus, puisque la nécessité m'oblige d'en passer par là. Pour sûreté, je n'ai pu donner de meilleur que les marchandises que j'ai à la douane. J'offre de les inscrire au nom du prêteur, me réservant toutefois le droit de garder les clés du magasin, soit pour faire voir les marchandises au courtier, soit pour être assuré qu'on n'égade point, ou qu'on n'en enlève point, ou qu'enfin on n'échange point contre d'autres de moindre valeur. La dame trouva la sûreté suffisante, et la condition ne lui parut pas déplacée. Elle promit de parler au prêteur, et envoya quérir le lendemain un courtier de ses amis, qu'elle mit au fait du rôle qu'il devait jouer, et lui donna les 1000 écus pour les porter à Salabet, qui fit écrire au nom de cet homme les ballots qu'il avait à la douane. Cela fait, le Florentin s'embarqua le même jour et alla rejoindre à Naples son ami Pierre Canigliano, à qui il remit l'argent qu'il lui avait emprunté. Il lui raconta la vengeance qu'il avait tirée de la Sicilienne et le remercia du sage expédient qu'il lui avait indiqué pour avoir ses 500 écus. Après s'être quelque temps diverti à Naples aux dépens de la femme qu'il avait jouée et dont il s'était bien mangé, il retourna à Florence où il avait eu soin de faire passer à ses maîtres les 500 écus qui leur appartenaient. Madame Blanchefleur, ne voyant plus reparaître Salabet et l'ayant fait chercher vainement dans tout Palerme, commença à soupçonner qu'elle avait été la dupe à son tour. Après avoir attendu 2 mois sans avoir de ses nouvelles, elle fit ouvrir le magasin et l'on trouva que les barriques, qu'on croyait pleines d'huile, ne l'étaient que d'eau de mer avec un peu d'huile par-dessus. On éventra les ballots, qui n'offrirent que des étoupes, à l'exception de 2 où il y avait des draps de peu de valeur. La belle Sicilienne se voyait ainsi attrapée, pleura beaucoup les 500 écus rendus, mais plus encore les 1000 écus prêtés, disant à qui voulait l'entendre qu'il ne faisait pas bon se jouer à un Toscan. Ainsi s'achève la 8e journée du Décaméron de Boccace.